Grouille-toi, bon Dieu, grouille-toi, Jadin n'est pas là. Comment pas là? Elle est malade? Malade? Oui, en bombe. C'est le même coup pour nous. Nous passons 20 minutes plus tôt. Brague, le mime, vient de surgir de sa cellule sur mon passage, effrayant sous son fond de teint kaki. Et je cours vers ma loge, consternée à l'idée que je pourrais, pour la première fois de ma vie, être en retard. Jadin n'est pas là. Je me hâte en tremblant d'énervement. C'est qu'il ne badine pas notre public de quartier, surtout à la matinée de dimanche. Si nous le laissons, comme dit notre régisseur Belluaire, avoir faim, 5 minutes entre deux numéros, les hurlements, les bouts de mégots, les pots d'orange partiront tout seuls. Jadin n'est pas là. Il fallait s'attendre à ça un de ces jours. Jadin est une petite chanteuse, si novice au concert, qu'elle n'a pas eu le temps encore d'oxygéner ses cheveux châtains. Elle n'a fait qu'un saut du boulevard extérieur sur la scène, estomaquée de gagner, en chantant, 210 francs par mois. Elle a 18 ans. La chance l'a saisie, sans ménagement, et ses coudes défensifs, toute sa personne têtue, penchée en gargouille, semble parer les coups d'un destin fumiste et brutal. Elle chante, en cousette et en goualeuse des rues, sans penser qu'on peut chanter autrement. Elle force ingénument son contralto râpeux et prenant, qui va si bien à sa figure jeune d'apache rose et boudeuse. Telle qu'elle est, avec sa robe trop longue, achetée n'importe où, ses cheveux châtains pas même ondulés, son épaule de biais qui a l'air de tirer encore le panier de linge, le duvet de sa lèvre tout blanc d'une poudre grossière, le public l'adore. La directrice lui promet, pour la saison prochaine, le « lumineux » et une seconde vedette, on verra après pour l'augmentation. Jadin, en scène, rayonne et jubile. Elle reconnaît, tous les soirs, dans le public des secondes galeries, quelques compagnons d'infantine vadrouille, et ne résiste point, pour le saluer, à couper sa rengaine sentimentale par un joyeux coup de gueule, un rire aigu d'écolière, voire une basane bien claquée sur la cuisse. C'est elle qui manque aujourd'hui au programme. Dans une demi-heure, ils vont empêter dans la salle et crier « Jadin ! Jadin !» et taper des galoches et sonner sur les verres avec leurs cuillères à Mazagran. Cela devait arriver. Jadin, dit-on, n'est pas malade, et notre régisseur ronchonne. Pensez-vous qu'elle est grippée? Elle a tombé en travers d'un pieu, on y met un talbin en compresse, sans quoi elle aurait prévenu. Jadin a trouvé un gourmet qui n'est pas du quartier. Il faut vivre. Elle vivait, pourtant, avec l'un, avec l'autre, avec tout le monde. Reverrai-je sa petite silhouette de gargouille, coiffée jusqu'aux sourcils d'un des calots à la mode qu'elle fabriquait elle-même? Hier soir encore, elle avançait dans ma loge un museau mal poudré pour me montrer sa dernière création, une toque en lapin, genre renard blanc, trop étroite, qui rabattait de chaque côté les petites oreilles de Jadin toutes roses. « On croirait Attila tout craché, » lui disait Brague très sérieux. Jadin est parti. Le long couloir, fourré de logettes carrées, bourdonne et ricane. Il paraît que tout le monde flairait cette fugue, sauf moi. Bouti, le petit comique qui chante les dranem, se promène devant ma loge, grimé en anthropoïde, un verre de lait à la main, et je l'entends prophétiser. C'était couru, moi j'y donnais encore 5-6 jours, peut-être un mois à Jadin. La patronne doit faire une gueule, mais c'est pas encore ça qui la décidera à augmenter les artistes qui remontent une maison. Retenez ce que je vous dis. On la reverra, Jadin. C'est une excursion, pas plus. C'est une fille qui a son genre de vie. Elle saura jamais garder un michet. J'ouvre ma porte pour parler à Bouti, pendant que je passe mes mains au blanc liquide. Elle ne vous avait rien dit de son départ, Bouti? Il hausse les épaules, en tournant vers moi son masque de gorille rouge, aux yeux bordés de blanc. Probable. Je suis pas sa mère. » Ayant dit, il lampe à petite gorgée son verre de lait, un lait bleuâtre comme de l'amidon. Pauvre petit Bouti, qui balade partout son entérite chronique et sa bouteille de lait cachetée. Nettoyé de son masque vermillon et blanc, il a une chétive et douce figure, délicate, intelligente, de beaux yeux tendres, un cœur de chien sans maître, prêt à chérir qui l'adoptera. Sa maladie et son dur métier le crèvent. Il se nourrit de lait, de macaroni bouilli, et trouve la force de chanter, de danser, des danses nègres pendant 20 minutes. En sortant de scène, il tombe éreinté sur le plateau, incapable de descendre tout de suite à sa loge. Son corps, fluet, étendu là comme mort, me barre quelquefois le passage, et je me raidis pour ne pas me pencher, le ramasser, demander du secours. Les camarades et le vieux chef machiniste se bornent à hocher le menton d'un air important à côté de lui et disent « Outi, c'est un artiste qui fatigue beaucoup. » « Filons, filons, train accéléré. Ils n'ont pas trop gueulé après Jadin dans la salle, c'est de la chance. » Brague me pousse dans l'escalier de fer. La chaleur poussiéreuse, la lumière des herses m'étourdissent ensemble. Cette matinée a passé comme un songe affairé. La moitié de la journée a fondu, je ne sais comment. J'en garde seulement le froid nerveux, la contraction de l'estomac qui suit les réveils, les levées rapides en pleine nuit. Dans une heure, il sera temps de dîner, et puis on prend un taxi, et ça recommence. Et j'en ai comme ça pour un mois. Le spectacle actuel plaît suffisamment. D'ailleurs, il faut tenir jusqu'à la revue. « Nous sommes bons, là !» dit Brague. « 40 jours à ne rien penser ?» Et il se frotte les mains. « À ne rien penser. Si je pouvais faire comme lui. J'ai 40 jours, j'ai toute l'année, toute la vie pour penser, moi. Combien de temps vais-je promener de music hall en théâtre, de théâtre en casino, des dons que l'on s'accorde d'un ton poli à trouver intéressant ? On me reconnaît, par surcroît, une mimique précise, une diction nette et une plastique impeccable. C'est très gentil, c'est même plus qu'il n'en faut, mais où cela mène-t-il? Allons. Je vois venir une dure crise de noir. Je l'attends avec calme et d'un cœur habitué, certaine d'en reconnaître les phases normales et de la vaincre une fois encore. Personne n'en saura rien. Ce soir, Brague me guigne de son petit œil pénétrant, sans trouver autre chose à dire que « T'es bien dans la lune, dis donc !» Revenu à ma loge, je lave mes mains teintes d'un sang groseille devant la glace où nous nous mesurons, la conseillère maquillée et moi, grave, en adversaires dignes l'une de l'autre. Souffrir, regretter, prolongé par l'insomnie, par la divagation solitaire, les heures les plus profondes de la nuit, je n'y échapperai point. Et je marche au-devant de cela, avec une sorte de gaieté funèbre, avec toute la sérénité d'un être encore jeune et résistant, qui en a vu bien d'autres. Deux habitudes m'ont donné le pouvoir de retenir mes pleurs, celle de cacher ma pensée et celle de noircir mes cils au mascaro. « Entrez !» On vient de frapper. Et j'ai répondu machinalement, absorbée. Ce n'est pas Brague, ce n'est pas la vieille habilleuse. C'est un inconnu, grand, sec, noir, qui incline sa tête nue et débite tout d'un trait. « Madame, je viens depuis une semaine vous applaudir dans l'emprise. Vous excuserez ce que ma visite peut avoir de déplacé, mais il me semble que mon admiration pour votre talent et votre plastique justifie une présentation aussi incorrecte et que... Je ne dis rien, cet imbécile. Moite, essoufflée encore, la robe demi-ouverte, j'essuie mes mains en le regardant avec une férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain, coupée. Faut-il le gifler ? Marqué sur ses deux joues, mes doigts encore humides d'une eau carminée. Faut-il élever la voix et jeter à cette figure anguleuse, tout en os, barrée d'une moustache noire, les mots que j'ai appris dans les coulisses et dans la rue? Il a des yeux de charbonnier triste, cet envahisseur. Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence, mais sa figure change tout à coup. « Ma foi, madame, je ne suis qu'un serin et un grossier personnage. Je m'en aperçois trop tard. Mettez-moi à la porte, allez, je l'ai bien mérité, mais non sans que j'aie déposé à vos pieds mes respectueux hommages. » Il la resalue, comme un homme qui va s'en aller, et ne s'en va pas. Avec cette rouerie un peu catin des hommes, Il attend, une demi-seconde, le bénéfice de son revirement. Et je ne suis pas, mon Dieu, si terrible. L'obtient. Je vous dirai donc gentiment, monsieur, ce que je vous aurais dit sans aménité. Allez-vous-en. Je ris. Bonne fille, en lui montrant la porte. Lui ne rit pas. Il reste là, le front en avant, et son poing libre pend, serré. Cette attitude le fait presque menaçant, gauche, avec une dégaine un peu lourde de bûcheron correct. La lampe du plafond se mire dans ses cheveux noirs, rabattus de côté, lisses et comme laquais. Mais ses yeux m'échappent, reculés sous une profonde orbite. Il ne rit pas, parce qu'il me désire. Il ne me veut aucun bien, cet homme-là. Il me veut. Il n'a pas l'humeur à plaisanter, même graveleusement. Cela me gêne à la fin, et je l'aimerais mieux allumé, à l'aise dans son rôle d'homme qui a bien dîné et qui s'est rincé l'œil au premier rang de l'orchestre. L'ardent désir qu'il a de moi le gêne comme une arme encombrante. Eh bien, monsieur, vous ne vous en allez pas ? Il répond précipitamment, comme si je l'avais éveillé. « Si, si, madame, certainement, je m'en vais. Je vous prie d'agréer mes excuses et... » « Et l'expression de ma considération distinguée ?» achevais-je malgré moi. Ce n'est pas bien drôle. Mais il rit enfin. Il quitte son expression têtue qui me décontenançait. « C'est gentil à vous de me repêcher, madame. » Il y a encore quelque chose que je voulais vous demander. Ah non, vous allez filer tout de suite. J'ai fait preuve d'une longanimité incompréhensible et je risque une bronchite en n'enlevant pas cette robe où j'ai eu chaud comme trois déménageurs. Du bout de l'index, je le pousse dehors, car il a repris, quand j'ai parlé d'enlever ma robe, sa figure sombre et fixe. La porte refermée est verrouillée. J'entends sa voix assourdie qui quémande. « Madame, « Madame, je voulais savoir si vous aimez les fleurs, et lesquelles ?»« Monsieur, monsieur, laissez-moi tranquille. Je ne vous demande pas quels sont vos poètes favoris, ni si vous préférez la mer à la montagne. Allez-vous-en. »« Je m'en vais, madame. Bonsoir, madame. » Ouf. Ce grand serin d'homme a coupé la crise noire. C'est toujours autant. Depuis 3 ans, voilà de quelle sorte sont mes conquêtes amoureuses. Le monsieur du fauteuil 11, le monsieur de l'avant-scène 4, le gigolo des secondes galeries. Une lettre, 2 lettres, un bouquet, 1 lettre encore. C'est tout. Le silence les décourage bientôt, et il me faut avouer qu'ils n'y mettent pas trop d'entêtement. Le destin, désormais ménagé de mes forces, semble écarter de moi ces amoureuses obstinées. Ces chasseurs qui traquent une femme jusqu'au ballot inclusivement. Ceux que je tente ne m'écrivent pas de billets doux. Leurs lettres, pressées, brutales et gauches, traduisent leur envie, non leurs pensées. J'accepte un pauvre petit qui délayait, des 12 pages durant, un amour bavard et humilié. Il devait être bien jeune. Il se rêvait prince charmant, pauvre gosse, et riche et puissant. Je vous écris tout ça sur la table du marchand de vin où je déjeune, et chaque fois que je lève la tête en face de moi, dans la glace, je vois ma sale gueule. Encore pouvait-il, le petit amoureux à la sale gueule, rêver à quelqu'un, sous ses palais bleus et ses forêts enchantées. Personne ne m'attend, moi, sur une route qui ne mène ni à la gloire, ni à la richesse, ni à l'amour. Rien ne mène, je le sais, à l'amour. C'est lui qui se jette en travers de votre route. Il la barre à jamais. Ou, s'il la quitte, laisse le chemin rompu, effondré. Ce qui reste de ma vie me fait songer à un de ces puzzles en 250 morceaux de bois biscornu et multicolore. S'agit-il pour moi d'en reconstituer, bûchette à bûchette, le décor primitif ? Une maison paisible au milieu des bois ? Non, non. Quelqu'un a brouillé toutes les lignes du doux paysage. Je ne retrouverai même plus les débris du toit bleu brodé de lichen jaune, ni la vigne vierge, ni la profonde forêt sans oiseaux. 8 ans de mariage, 3 ans de séparation, Voilà qui remplit le tiers de mon existence. Mon ex-mari, vous le connaissez tous. C'est Adolphe Théandy, hein, le pasteliste. Depuis 20 ans, il fait le même portrait de femme, sur un fond brumeux et doré, emprunté à Lévi Durmer. Il pose une femme décolletée, dont la chevelure, comme une ouate précieuse, nimbe un visage velouté. La chair, aux tempes, dans l'ombre du cou, sur la rondeur des seins, cirise du même velouté impalpable, bleu comme celui des beaux raisins qui tentent les lèvres. « Potel et Chabot ne font pas mieux », a dit un jour Forain devant un pastel de mon mari. À part son fameux « velouté », je ne crois pas qu'Adolphe Théandy ait du talent. Mais je reconnais volontiers que ses portraits sont, pour les femmes surtout, irrésistibles. D'abord, il voit blond, résolument. La chevelure même de Madame de Guimont-Fautru, cette sèche brune, il la paraît de reflets sanguins et dorés, venus on ne sait d'où, et qui font d'elle, répandue sur sa mate figure, sur son nez, une orgiaque vénitienne. Théandy a fait mon portrait aussi, autrefois. On ne sait plus que c'est moi, cette petite bacchante au nez lumineux, qui porte sur le milieu du visage sa tache de soleil comme un masque de nacre. Et je me souviens encore de ma surprise à me découvrir si blonde. Je me souviens aussi du succès de ce pastel et de ceux qui le suivirent. Il y eut le portrait de Madame de Guimont-Fautru, de la baronne Avelot, de Madame de Chaly, de Madame Robert Durand, de la cantatrice Jeanne Doré. Puis nous arrivons à ceux moins illustres à cause de l'anonymat des modèles de Mademoiselle J.R., de Mademoiselle S.S., de Madame U., de Madame Von O., et de Mrs. F.W. C'était l'époque où Adolphe Théandy, avec ce cynisme de bel homme qui lui va si bien, déclarait « Je ne veux pour modèle que mes maîtresses, et pour maîtresses que mes modèles. » Je ne lui ai pas connu, pour ma part, d'autre génie que celui du mensonge. Aucune femme, aucune de ces femmes, n'a dû autant que moi apprécier, admirer, craindre, et maudire sa fureur du mensonge. Adolphe Théandy mentait, avec fièvre, avec volupté, inlassablement, presque involontairement. Pour lui, l'adultère n'était qu'une des formes, et non la plus délectable, du mensonge. Il fleurissait en mensonge, avec une force, une variété, une prodigalité, que l'âge n'a point épuisée. En même temps qu'il ciselait l'ingénieuse traîtrise, agencée avec 1000 soins, parée de toutes les recherches d'une fourberie magistrale. Je lui voyais gaspiller sa fougue astucieuse en impostures grossières, superflues, goujates, en contes enfantins et presque imbéciles. Je l'ai rencontré, épousé. J'ai vécu avec lui pendant plus de 8 ans. Que sais-je de lui? Qu'il fait des pastels et qu'il a des maîtresses. Je sais encore qu'il réalise quotidiennement ce prodige déconcertant d'être, pour celui-ci, un bûcheur qui ne songe qu'à son métier, pour celle-là, un ruffian séduisant et sans scrupules, pour celle-ci, un paternel amant qui mêle à une toquade brève un joli ragoût d'inceste, pour cet autre, l'artiste-là, désabusé, vieillissant, qui part son automne d'une idylle délicate. Il y a même celles pour qui on est tout uniment un bon libertin, encore solide, et paillard à souhait. Et puis il y a la dinde, bien née et bien éprise, qu'Adolphe Théandy cingle, tourmente, dédaigne, reprend, avec toute la cruauté littéraire d'un artiste de roman mondain. Le même Théandy s'insinue, sans transition, dans la peau de l'artiste, non moins conventionnel, mais plus démodé, qui, pour vaincre les dernières résistances d'une petite dame mariée et mère de 2 enfants, jette ses crayons, déchire son esquisse, pleure de vraies larmes qui mouillent sa moustache à la Guillaume II et prend son feutre espagnol pour courir vers la Seine. Il y a encore bien d'autres Théandy que je ne connaîtrai jamais, sans parler de l'un des plus terribles, le Théandy homme d'affaires. Le Théandy manieur et escamoteur d'argent, cynique et brutal, plat, et fuyant selon les besoins de l'affaire. Parmi tous ces hommes-là, où est le vrai? Je déclare humblement que je n'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de vrai t'ayant dit. Ce balsacien, génie du mensonge, a cessé brusquement, un jour, de me désespérer, et même de m'intriguer. Il fut autrefois pour moi une sorte de Machiavel épouvantable. Ce n'était peut-être que Frégoli. D'ailleurs, il continue. Quelquefois, je songe avec une tiède commisération à sa seconde femme. Digère-t-elle encore, béate, éprise, ce qu'elle nomme sa victoire sur moi? Non. À cette heure, elle commence à découvrir, terrifiée, impuissante, celui qu'elle a épousé. Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais, cet homme-là. Et comme j'ai souffert. Ceci n'est pas un cri de douleur, une lamentation vindicative, non. Je soupire cela, quelquefois, sur le ton dont je dirais « Si vous saviez comme j'ai été malade il y a 4 ans. » Et quand j'avoue, j'ai été jalouse jusqu'à vouloir tuer et mourir. C'est à la manière des gens qui racontent « J'ai mangé du rat en 70. » Ils s'en souviennent, mais ils n'en ont gardé que le souvenir. Ils savent qu'ils ont mangé du rat, mais ils ne peuvent plus ranimer en eux le frisson de l'horreur, ni la fièvre de la famine. Après les premières trahisons, après les révoltes et les soumissions d'un jeune amour qui s'opiniâtrait à espérer et à vivre, je m'étais mise à souffrir avec un orgueil et un entêtement intraitable et à faire de la littérature. Pour le seul plaisir de me réfugier dans un passé tout proche, j'écrivais un petit roman provincial, Le lierre sur le mur, souriant, plat et clair comme les étangs de mon pays, un chaste petit roman d'amour et de mariage, un peu serein, très gentil, et qui eut un succès inattendu, démesuré. Je rencontrai ma photographie dans tous les illustrés, la vie moderne me décerna son prêt annuel, et nous devînmes, Adolphe et moi, le couple le plus intéressant de Paris, celui qu'on invite à dîner, qu'on montre aux étrangers de marque. Vous ne connaissez pas les Théandy? René Théandy a un très joli talent. Ah, et lui? Lui, oh, il est irrésistible. Mon second livre, À côté de l'amour, se vendit beaucoup moins. Pourtant, j'avais savouré en mettant celui-là au monde la volupté d'écrire, la lutte patiente contre la phrase qui s'assouplit, s'assoit en rond comme une bête apprivoisée, l'attente immobile, l'affût qui finit par charmer le mot. Mon second volume se vendit peu, mais il sut me concilier, comment dit-on cela? Ah oui, l'estime des gens de lettres. Quant au troisième, La forêt sans oiseaux, il tomba à plat et ne se releva pas. Celui-là, c'est mon préféré, mon chef-d'œuvre inconnu, à moi. On le trouva diffus et confus, et incompréhensible et long. Encore à présent, quand je l'ouvre, je l'aime. Je m'y aime, de tout mon cœur. Incompréhensible, pour vous peut-être. Mais pour moi, sa chaude obscurité s'éclaire. Pour moi, tel mot suffit à recréer l'odeur, la couleur des heures vécues. Il est sonore et plein et mystérieux comme une coquille où chante la mer. Et je l'aimerais moins, je crois, si vous l'aimiez aussi. Rassurez-vous, je n'en écrirai pas un autre comme celui-là. Je ne pourrai plus. D'autres travaux, d'autres soucis me réclament à présent. Et surtout, celui de gagner ma vie et d'échanger contre de l'or sonnant mes gestes, mes danses, le son de ma voix. J'en ai vite pris l'habitude et le goût. Avec un appétit bien féminin de l'argent. Je gagne ma vie, cela est un fait. À mes bonnes heures, je me dis et me redis joyeusement que je gagne ma vie. Le music hall, où je devins mime, danseuse, voire comédienne à l'occasion, fit aussi de moi, tout étonnée de compter, de débattre et de marchander, une petite commerçante honnête et dure. C'est un métier que la femme la moins douée apprend vite, quand sa liberté et sa vie en dépendent. Personne ne comprend rien à notre séparation. Mais eût-on compris quelque chose, avant, à ma patience, à ma longue, lâche et complète complaisance? Hélas, il n'y a pas que le premier pardon qui coûte. Adolphe connut vite que j'appartenais à la meilleure, à la vraie race des femelles, celle qui avait la première fois pardonné devint, par une progression habilement menée, celle qui subit, puis qui accepte. Ah, le savant maître que j'avais en lui, comme il dosait l'indulgence et l'exigence. Il lui arriva, quand je me montrais trop rétive, de me battre. Je crois qu'il n'en avait guère envie. Un homme emporté ne bat pas si bien, et celui-ci ne me frappait de loin en loin que pour renforcer son prestige. Lors de notre divorce, on ne fut pas loin de me donner tous les torts, pour innocenter le beau Théandi, coupable seulement de plaire et de trahir. Il s'en fallut de peu que je cédasse, intimidé, ramené à ma soumission habituelle par le bruit qui se fit autour de nous. Comment ? Elle la trompe depuis 8 ans, et c'est maintenant qu'elle s'avise de se plaindre ? J'eus des visites d'amis autoritaires, supérieurs, qui savent ce que c'est que la vie. J'eus celle de parents âgés, dont l'argument le plus sérieux était « Que voulez-vous, ma chère enfant ?» Ce que je voulais, au fond, je le savais très bien. J'en avais assez. Ce que je voulais, mourir, plutôt que de traîner encore ma vie humiliée de femme qui a tout pour être heureuse. Mourir, oui. Risquer la misère avant le suicide, mais ne plus revoir Adolphe Théandi, l'Adolphe Théandi qui se réservait pour l'intimité conjugale, celui qui savait si bien m'avertir sans élever la voix, en avançant au-dessus de moi sa redoutable mâchoire d'adjudant. Je commence maintenant le portrait de Madame Mottier. Vous aurez la bonté, n'est-ce pas, de ne plus lui faire cette gueule-là ? Mourir, risquer, avant les pires chutes, mais ne plus surprendre le geste brusque qui cache une lettre froissée, ni la conversation faussement banale au téléphone, ni le regard du valet de chambre complice, mais ne plus m'entendre dire, d'un ton détaché, « Est-ce que vous ne deviez pas aller passer 48 heures chez votre mère cette semaine ?» Partir, mais ne plus m'abaisser à promener, tout un jour, une des maîtresses de mon mari, pendant qu'il en étreint, rassuré, protégé par moi, une autre. Partir et mourir, mais ne plus feindre d'ignorer, mais ne plus subir l'attente nocturne, la veille qui glace les pieds dans le lit trop grand. Ne plus former ces projets de vengeance qui naissent dans le noir, qui enflent au battement d'un cœur irrité, tout empoisonné de jalousie, puis crèvent au tintement d'une clé dans la serrure, et lâchement s'apaise lorsqu'une voix connue s'écrie « Comment, tu ne dors pas encore ?» J'en avais assez. On s'habitue à ne pas manger, à souffrir des dents ou de l'estomac. On s'habitue même à l'absence d'un être aimé. On ne prend pas l'habitude de la jalousie. Et il arriva ce qu'Adolphe Théandi, qui pense à tout, n'avait pas prévu. Un jour que, pour mieux recevoir Madame Mottier sur le grand divan de l'atelier, il m'avait sans courtoisie mis à ma porte, je ne rentrai pas. Je ne rentrai pas ce soir-là, ni le suivant, ni ceux d'après. Et c'est là que finit ou commence mon histoire. Je n'insisterai pas sur une morose et courte période de transition où j'accueillis de la même humeur hargneuse les blâmes, les conseils, les consolations et jusqu'aux félicitations. Je décourageai les rares amis tenaces qui vinrent sonner à la porte d'un minuscule appartement loué au hasard. Outragé qu'on eût l'air de braver pour me voir l'opinion publique, la sacro-sainte et souveraine et ignoble opinion publique, je coupai d'un geste rageur, tout ce qui me liait encore à mon passé. Alors quoi ? L'isolement ? Oui, l'isolement, à 3 ou 4 amis près. Des entêtés, ceux-là, des indécollables, résolus à endurer toutes mes rebuffades. Comme je les accueillis mal, mais comme je les aimais, et combien je craignis, en les voyant s'éloigner, qu'ils ne revinssent pas. L'isolement ? Oui, Je m'en effrayais, comme d'un remède qui peut tuer. Et puis, je découvris que je ne faisais que continuer à vivre seule. L'entraînement datait de loin, de mon enfance, et les premières années de mon mariage ne l'avaient qu'à peine interrompu. Il avait repris, austère, dur à pleurer, dès les premières trahisons conjugales, et cela, c'est le plus banal de mon histoire. Combien de femmes ont connu cette retraite en soi, ce repliement patient qui succède aux larmes révoltées? Je leur rends cette justice en me flattant moi-même. Il n'y a guère que dans la douleur qu'une femme soit capable de dépasser sa médiocrité. Sa résistance y est infinie. On peut en user et abuser sans craindre qu'elle meure, moyennant que quelque puérile lâcheté physique ou quelque religieux espoir la détourne du suicide simplificateur. Elle meurt de chagrin. Elle est morte de chagrin. Hochée, en entendant ces clichés, une tête sceptique plus qu'apitoyée. Une femme ne peut guère mourir de chagrin, c'est une bête si solide, si dure à tuer. Vous croyez que le chagrin la ronge? Point. Bien plus souvent, elle y gagne, débile et malade qu'elle est née, des nerfs inusables, un inflexible orgueil, une faculté d'attendre, de dissimuler qui la grandit, et le dédain de ceux qui sont heureux. Dans la souffrance et la dissimulation, elle s'exerce et s'assouplit, comme à une gymnastique quotidienne pleine de risques, car elle frôle constamment la tentation la plus poignante, la plus suave, la plus parée de tous les attraits, celle de se venger. Il arrive que, trop faible ou trop aimante, elle tue. Elle pourra offrir à l'étonnement du monde entier l'exemple de cette déconcertante résistance féminine. Elle lassera ses juges, les surmènera au cours des interminables audiences, les abandonnera à recrues, comme une bête rouée promène des chiens novices. Soyez sûr qu'une longue patience, que des chagrins jalousement cachés ont formé, affiné, durci cette femme dont on s'écrie « Elle est en acier ». Elle est en femme, simplement, et cela suffit. La solitude, la liberté, mon travail plaisant et pénible de mime et de danseuse, les muscles heureux et là, le souci nouveau et qui délasse de l'autre, de gagner moi-même mon repas, ma robe, mon loyer. Voilà qu'elle fut tout de suite mon lot, mais aussi la défiance sauvage, le dégoût du milieu où j'avais vécu et souffert, une stupide peur de l'homme, des hommes et des femmes aussi. Un besoin maladif d'ignorer ce qui se passait autour de moi, de n'avoir auprès de moi que des êtres rudimentaires qui ne penseraient presque pas. Et cette bizarrerie encore qui me vint très vite, de ne me sentir isolée, défendue de mes semblables, que sur la scène, la barrière de feu me gardant contre tous.